Pour l'heure, Raymond Poirier est avec nous et on va parler numérique. Bonjour Raymond. Bonjour. On va parler d'objets connectés. Tout un monde, on est vraiment entouré d'objets connectés. On en parlait hors d'onde, je te posais la question, mais qu'est-ce que c'est que tous ces objets connectés-là? On va en parler, puis on va parler aussi de l'attaque le DIN DNS. Oui, ben en fait, c'est l'idée du sujet est venue un peu de cette attaque-là. Dans la mesure où les objets connectés existent, on en a une conscience toute relative et ça risque d'être le cas encore au fil des années à venir. Mais quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui se passe, eh bien là, on va peut-être entendre un peu plus parler de la thématique. Et dans le cas de l'attaque vendredi dernier, qui est une attaque par déni de service qui a paralysé Internet, ou en partie du moins, eh bien, parmi les responsables, il y avait un réseau botnet qui était nommé Mirai, qui, lui, est propulsé en grande partie par des objets connectés à Internet. Donc, l'attaque, je rentrerai pas dans le détail de ce côté-là, ça suffit de dire que pour ce qui concerne Mirai à proprement parler, eh bien, lui, comme il est composé d'appareils, de routeurs Wi-Fi, de caméras IP, mais lui, c'est essentiellement, entre guillemets, amusé à envoyer une masse de requêtes à un serveur qui s'appelle DIN DNS, qui, lui, est l'un des plus importants fournisseurs de services DNS sur la planète. Et essentiellement, ben, ça fait que, comme il y avait une variété d'adresses qui envoyaient une variété de demandes astronomiques, eh bien, le serveur, lui, comme c'était différentes adresses, les a toutes traitées, plutôt que de les catégoriser comme une attaque en déni de service, justement. J'ai une question, Raymond. Oui. Revenons à cette attaque. Tu parles de... est-ce qu'il y a des humains derrière ça? Est-ce que c'est un groupe d'humains? Non, mais en fait, souvent, c'est qu'il y a des humains qui vont mettre des robots, des bots en ligne, puis ces bots-là vont faire leur vie, entre guillemets, aussi, puis éventuellement vont fomenter des attaques. La plupart des... des attaques qui sont menées sur le web sont le fait de bots, donc qui, eux, évidemment, sont là parce que quelqu'un les y a mis, mais après ça, leur utilité à eux, c'est d'envoyer des requêtes pour essayer de paralyser différents services. Et je pense qu'ils sont donc ces bots-là deviennent autonomes, si je comprends bien? Si on veut. C'est une façon de voir ça. Ça serait peut-être un bon sujet de chronique, par contre. Oui, tu nous en parles, parce que j'ai l'impression que quand on parle de ça, c'est comme si la technologie dépassait l'humain rendu là, mais peut-être que je me trompe, là, je vois peut-être ça un peu de façon apocalyptique, là, mais bref, il y a eu tous ces objets connectés ont surchauffé là, la semaine dernière et se sont déconnectés, comment on dit ça? En fait, non, ont forcé, si on peut dire, certains serveurs à ralentir leurs activités ou à eux-mêmes se déconnecter. Évidemment, ça nous a rappelé qu'il y avait encore des enjeux importants autour de l'Internet des objets. Ça reste quand même quelque chose qui est à sa genèse, donc on est dans les premières années de tout ça. Évidemment, bon, le concept lui-même date jamais d'hier, là. C'est quelque chose qui se crée depuis des années et des années, mais reste que l'explosion, elle, en matière d'objets connectés est toute récente et risque de s'intensifier. Je pense, selon les rapports sur lesquels on tombe, on parle par exemple de 28 milliards d'appareils qui seraient reliés, une augmentation de 23% annuellement entre 2015 et 2021, un taux de croissance qu'on annonce plus élevé que l'utilisation de téléphones cellulaires ou de téléphones intelligents. Hey, 28 milliards? Attends, faut s'arrêter deux secondes, Raymond. C'est beaucoup, là. 28 On milliards. Est combien sur la planète? On est rendu combien, là? 300? 300 milliards? Je sais pas, en fait, j'avoue pas avoir... Mais il me semble qu'on est... En tout cas, Carl pourra nous le dire plus précisément, mais il me semble qu'on... En tout cas, on n'est pas... on n'est pas tant, là, mais ça fait beaucoup d'objets connectés par personne, ça. En tout cas, bref, c'est énorme. Oui, c'est énorme, et évidemment, ça augmente année après année après année. Essentiellement, notre futur, c'est un peu les objets connectés, qu'on le veuille ou non, là, somme toute, parce qu'on est déjà dans cette révolution-là. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'essentiellement, tous les appareils qu'on possède, tous les objets qui existent ont le potentiel d'être à court, moyen, long terme connectés au réseau, connectés à Internet, donc pour former cette toile qui est l'Internet des objets. C'est pas nécessairement le meilleur nom, il y a des objets connectés aussi qui essaient de monter. Donc, mais par exemple, le micro dans lequel je parle pourrait peut-être éventuellement devenir un micro connecté. On a déjà des frigidaires connectés, des thermostats connectés. J'en parlerai tantôt. On travaille sur des rhinocéros connectés. Est-ce que le Blu-ray c'est connecté? C'est pas tout à fait la même chose. Non, ça c'est des technologies disques. Mais par contre, l'appareil, le lecteur, lui, s'il est connecté à Internet, si on peut le contrôler. En fait, l'idée, c'est que si c'est un appareil à une adresse IP, de par cette adresse IP-là, moi, je peux le contrôler. Ben, moi, en fait, si j'avais des compétences informatiques viables, je pourrais le contrôler à distance. Et ça peut amener certains défis, on en parlera tantôt, là. Évidemment, ça veut dire qu'on a un monde qui est en train de se transformer au gré de ces appareils-là. Ça veut dire que, par exemple, pour des fabricants d'automobiles, eh ben, on va pouvoir savoir de manière de plus en plus précise qu'est-ce qu'on fait avec une automobile, comment on l'utilise, parce qu'on va pouvoir prendre une série de mesures, que ce soit dans l'usage, que ce soit dans la présence, que ce soit dans la position des mains, que ce soit dans les parcours qui sont empruntés et le reste. Et on nous dit, ben, regardez, c'est un peu presque une ça nous mène peut-être vers une industrie 4.0 qui sera en mesure de répondre plus précisément à des problèmes diagnostiqués de manière extrêmement précise, plutôt que de régler des problèmes peut-être parfois un peu plus vagues. Alors, c'est un peu ce qu'on nous propose, mais évidemment, c'est pas sans défi. On parlait du défi de sécurité, on peut parler du défi de connectivité, on peut parler aussi du défi d'énergie. Alors, je me lancerai peut-être dans le premier, puisqu'on se lançait avec la sécurité. Là, et je pense que c'est celui qui t'inquiète le plus aussi. Ah, bon, avec ça raison. M'inquiète, mais je, ça me pose, ça m'interroge en tout cas. Mais je donne un exemple précis au niveau de la sécurité, c'est... Dans le cas, par exemple, certaines personnes vont avoir des serrures connectées. Donc, il y a des modèles Quick Lock, Ibulock, Plantraco, Seomat, Elecycle, etc., etc. Et ils ont fait un événement du côté de l'Europe où ils ont ramassé plein d'Internet des objets. En fait, DEFCON, une convention hacker extrêmement connue, ils ont ramassé plein d'objets connectés. On dit aux gens, ben, dans le fond... saisissez-vous de leur contenu, réussissez à interagir avec ces objets-là. Et il y en a qui ont réussi justement à interagir avec une serrure de marque Auguste, ont réussi à débarrer cette serrure-là, à verrouiller l'accès du propriétaire légitime pour que le propriétaire légitime n'ait lui plus accès à sa maison. Alors ça peut amener certains défis. On peut faire évidemment la même chose avec à peu près n'importe quel objet connecté. Il y a des gens qui ont fait ça avec des thermostats où il est en mesure de régler à distance la température dans une maison, de se faire des jeux un peu avec ça. Alors, reste que... On peut en rire, mais c'est pas drôle dans le concret. Là. C'est pas drôle dans le concret. J'ai la petite famille qui a trop chaud dans sa maison, mais oui, bon. Puis, dans le fond, évidemment, ça veut dire aussi que si on est capable de le contrôler, on est capable d'accéder aux données, donc ça peut générer certains éléments de surveillance qu'on peut faire de manière illicite. Donc, la sécurité est une grosse problématique en lien avec ces objets-là, en lien peut-être avec le fait aussi que parfois on peut oublier qu'ils sont connectés, donc on peut oublier de les mettre à jour si c'est nos objets connectés ou les compagnies peuvent parfois aussi peut-être ne pas nécessairement avoir des mises à jour les plus récentes parce que ça reste que c'est pas exactement la même technologie, c'est pas exactement le même type de serveur, donc c'est pas exactement le même type d'avancement non plus. Faut dire que côté sécurité, on reste quand même optimiste. Je te fais une citation d'un des conférenciers d'une conférence sur la sécurité et l'Internet des objets qui disait « Chaque nouvelle vague technologique apporte son lot de vulnérabilités. Il a fallu des décennies pour sécuriser les transports ferroviaires, aériens et automobiles. La ceinture de sécurité inventée à la fin du 19e siècle n'est devenue obligatoire en France qu'en 1973. Alors, dans le numérique, des cycles innovation, sécurisation se sont accélérés. Mais ça reste quand même un cycle similaire. Ouais, bon, tu m'as rassuré. et dans ces défis-là aussi, Caroline, c'est qu'il y a le défi de sécurité, mais parallèlement, si on parle de système, de mise à jour et le reste, mais c'est qu'il y a aussi parfois un défi de compatibilité. Donc, il n'y a pas de standard encore qui est mis en place internationalement. C'est une technologie, je le disais tantôt, qui est naissante, qui évolue rapidement, donc on n'a pas nécessairement encore eu l'occasion de s'asseoir entre constructeurs et dire, ben voilà le système qu'on va utiliser, voilà le modèle de gestion de données qu'on va prendre. Voilà le modèle de connectivité qu'on va utiliser pour s'assurer que les appareils puissent être compatibles entre eux, puissent être compatibles avec une plus grande variété de systèmes et de manière régionale aussi, qu'on puisse développer peut-être plutôt un marché mondial qu'un marché hyper régional avec une série de formats différents. Alors ça reste un défi qui est important aussi. Dans le domaine scientifique, on se consulte à travers la planète, les scientifiques se consultent, envoient leurs articles. Ben, on en parlait aussi la semaine dernière. Là, avec les objets connectés, il faudrait sensiblement faire la même chose. Exactement. Pour s'assurer que, dans le fond, les données soient partageables aussi, que les systèmes soient plus facilement évolutifs. Alors, il y a cette dimension-là. Et il y a notamment, en fait, j'ai trouvé ça sur l'Organisation internationale de normalisation qui essaie justement de s'attarder de manière un peu plus large à l'Internet des objets. Et le troisième défi, qui est en lien peut-être un peu avec une chronique qu'on a faite il y a quelques semaines de ça, c'est la question de l'énergie. Parce qu'on imagine, on parlait de quoi? plus de 20 milliards d'objets connectés éventuellement. 28 milliards. Ah, j'ai 28 vérifié milliards. Pendant que je, oui. je vite comme ça. Écoute, le chiffre est pas exact parce que c'était en 2011, c'était 7 milliards. Donc, il y a plus d'objets connectés que d'êtres humains. Ben oui, on a voilà. quelques objets connectés par être humain. Là. Puis on suppose que dans certains coins de la planète, ils en ont pas beaucoup. Là. Alors, okay. Alors, ça nous en fait pas mal. Alors, dans le fond, ces objets-là, évidemment, ben, tout ce qui est connecté dépense de l'énergie. On le voit simplement avec nos téléphones, la vitesse à laquelle parfois la batterie peut être utilisée. Alors, évidemment, plus il y a de données qui sont générées, ben, ça vient ralentir les réseaux parce que les réseaux sont plus utilisés. Ça vient réclamer de l'énergie aussi. Donc, faut repenser d'un côté à l'architecture des réseaux pour permettre à cette information-là de passer plus facilement. Faut réussir aussi à réorganiser la manière dont l'architecture du web est pensée parce que pour l'instant, parfois, on a de l'information qu'on utilise ici, ça s'en va sur un serveur qui est beaucoup plus loin, c'est traité, ça nous revient. Mais si on augmente du quintuple ou plus la quantité d'objets connectés, eh bien, il va peut-être falloir plutôt envoyer de l'information à distance plus rapprochée, donc avoir plus de hubs, donc de mini-serveurs, si on peut dire, qui seront disponibles à distance plus rapprochée, qui, eux, pourront faire un tri, quitte à en envoyer d'autres au gros secteur de serveurs, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus efficient. C'est ce qui semble ressortir notamment dans un article du CNRS. Alors, il y a cette dimension-là. Évidemment, ce qu'on dit, c'est que il y a quand même des besoins en matériel robuste. On donne un exemple d'un projet, je le mentionnais tantôt, de rhinocéros connectés. Donc, l'idée, c'est de connecter les rhinocéros dans la savane africaine pour pouvoir être averti si un animal est pourchassé par des braconniers. Donc, de pouvoir. Très utile quand c'est très même. Utile. Mais j'aurais pas pensé à cette utilité-là, mais waouh! C'est pas nécessairement la première qui non, vient en tête. Oui, c'est ça, suivre les rhinocéros, mais effectivement. Et dans ce cas-ci, c'est un exemple intéressant parce que, ben, comment on fait pour faire ce capteur-là, pour s'assurer aussi qu'en matière énergétique, ça fonctionne, surtout dans un endroit où il n'y a pas nécessairement tant d'accès sans fil non plus. La savane africaine n'est pas encore très couverte. Alors, donc, ce qu'on dit, c'est que les capteurs ne consomment pas nécessairement tant d'énergie, mais c'est quand le capteur envoie de l'information ou analyse l'information, ben que là, le problème devient plus grand et plus la distance augmente, plus l'appareil est loin de l'endroit qui reçoit les données qu'il émet, et ben plus il y a besoin d'amplificateur, donc plus il y a besoin d'énergie également. Et j'imagine que le problème se pose aussi parce qu'il me semble qu'on le fait aussi pour suivre des populations de dauphins, de baleines, sous l'eau en plus. Oui, ce que c'est en fait, il y a toujours eu des capteurs en matière de, disons, de surveillance ou d'analyse ou de suivi animalier, mais parfois ça s'appelle des capteurs satellitaires, donc c'est pas nécessairement des capteurs internet dans la mesure où ils sont connectés à un réseau mais qui est pas nécessairement entre guillemets le réseau. Donc je pense par exemple aux caribous du Grand Nord québécois, donc qui eux aussi il y a une partie de la population qui est surveillée, qui est suivie, mais ces suivis là ne vont pas nécessairement sur la toile, chaque caribou n'a pas son adresse IP. Donc ça c'est plus des en fait ça reste un certain internet d'objets, mais pas celui dont on... Pas exactement la même chose. Mais par contre, c'est dans une initiative comme ça, puis on peut faire une mini-parenthèse, que prennent racine peut-être certains développements qu'on peut voir au niveau de l'informatique dans les autos, par exemple. Ça fait des années que c'est là, évidemment, mais les usages dont on peut faire de ce type de connexion-là explosent actuellement avec le potentiel d'analyse des données, qui est un peu la clé, parce que c'est bien beau avoir des données, encore faut-il pouvoir les analyser. Oui, je les gérerai, oui. Et dans le fond, pour terminer sur l'énergie, j'aurais tendance à dire que, ben, d'un côté, il y a l'idée d'essayer d'avoir des systèmes qui sont à côté des capteurs pour dire aux capteurs quand être actifs. Donc, qui, eux, surveillent ce qu'il y a à surveiller, essentiellement. Ouais. Parallèlement, ce qu'on dit aussi, c'est que le niveau de charge d'une batterie qui se mesure en temps réel, ben, c'est pas 100% précis. C'est pour ça, d'ailleurs, que notre batterie, parfois, sur notre téléphone, va afficher 3% puis va se fermer comme si elle était à zéro, parce que dans le fond, il y a un petit degré d'imprécision, il y a une marge de manœuvre. Et évidemment, il y a aussi plusieurs facteurs en extérieur, donc l'ensoleillement, les vibrations, le vent, etc. Alors, ça reste un problème important. L'idée, c'est évidemment de pouvoir déployer un système comme celui-là, mais il faut aussi pouvoir le conserver. Oui. Alors, donc, les trois défis à venir, donc la compatibilité, l'énergie et la sécurité, évidemment, quand on parle d'Internet des objets. Ben, on n'en parle pas, mais ça va créer aussi, ben, c'est un autre problème, là, tu me diras, mais un problème de déchets aussi, tous ces petits objets connectés, là, évidemment, c'est pas le problème de l'industrie, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on pourra les recycler? Est-ce que ça s'en va? Ça va être géré par des petits-enfants en Inde, là, mais je sais pas, mais en tout cas, ça fait beaucoup de petits gadgets connectés qui dure pas longtemps puis qu'on va devoir Mais déjà avec la quantité d'ordinateurs et de serveurs et d'autres éléments, le recyclage informatique est un autre beau sujet. Hey, on n'en manquera pas. On n'en manquera pas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.